envie. À 7 heures-ci, de garder les yeux ouverts. Je n'ai pas l'envie de faire pipi. Qui nous rend ouverts. Désolé du jeu de mots. J'aimerais bien savoir pourquoi je n'arrive pas à fermer mes yeux et m'envoyer en l'air, de m'envoyer dans les cieux et de m'endormir. Je suis insomniaque. J'aimerais bien savoir pourquoi je joue encore la guitare alors que la moitié de Paris s'est endormie depuis au moins 2 bonnes heures. Pourquoi je n'arrive pas à fermer les yeux. Mais bon sang, pourquoi je n'arrive pas à m'endormir? Pourquoi? Mon esprit t'envahit de pensées, d'humanité, de questions. Mais pourquoi ne veulent-elles pas s'en aller? Je suis un insomniaque, je suis condamné à rester éveillé toute la nuit, toute la vie. Je suis condamné à errer dans mon esprit et ailleurs. Pareil, si tu écoutes le son comme ça, toi et moi on est les mêmes. Si tu aimes ça, alors laisse-toi guider au travers de la nuit. Oh oui, laisse la musique, tu la sens quand elle t'envahit. Moi aussi. Et j'aime ça, c'est un plaisir simple comme la vie. Petit, profite de ce plaisir tant qu'il est là, tant qu'on reste en vie, tant qu'on reste insomniaque, tant qu'on reste tout seul ou ensemble insomniaque. Et qu'on reste encore en vie pour en profiter, pour tous ensemble soit insomniaque et pouvoir rester en vie. Tant que j'en ai envie, pour toujours, tant que tu auras l'amour, tant que la vie restera une source d'envie, tant que seront tous unis, tant que désirons la vie et le plaisir. Le plaisir d'être insomniaque pour chanter, pour faire l'amour, pour s'aimer, pour se faire le tour, pour chanter, pour se faire l'amour, pour danser. Pour se jouer le tout, pour danser, pour chanter, pour se le désirer, pour rattraper le temps que l'on perd, à se faire vivre chacun l'enfer. Il suffirait qu'on soit insomniaque. Qu'on est la niaque, qu'on ait tous envie de chanter et de s'aimer. Oh oui, de s'aimer.